بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'étude du livre Les règles exemplaires concernant les noms et les attributs divins. Et dans la dernière assise, on s'était arrêté sur la sixième règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait étudié certaines règles, quelques règles concernant les noms sublime du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était dans la première partie. Ensuite, l'auteur, après avoir mentionné des qawaïd, des règles concernant les noms, il a mentionné des règles et enseigné des règles concernant as-sifat, les attributs. Et donc, dans la dernière assise, on avait terminé l'étude de la sixième règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les noms, l'auteur avait mentionné sept règles concernant al-asma, al-asma, al-husna. Et dans les attributs de même, il mentionne sept règles importantes à connaître. Et donc dans la dernière assise, on s'est arrêté sur l'explication de la parole de l'imam Malik lorsqu'il fut interrogé au sujet de l'istiwa, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône. Et pour cela, à la fin de l'explication de la parole de l'imam Malik, l'auteur nous a mentionné les différents sens du terme al-istiwa selon la particule qui peut suivre, être liée et citée de manière conjointe avec le terme al-istiwa. Donc on avait dit que l'auteur nous a enseigné que al-istiwa, lorsqu'on observe son emploi dans la langue arabe, son emploi dans les textes, on peut voir que parfois l'istiwa, le terme, est cité d'une manière absolue, que le terme, deuxièmement, parfois, il est cité et il est lié à la particule ala, c'est-à-dire qu'après l'istiwa, il y a la particule ala qui suit, et donc il y a un sens, on avait étudié le sens à cela. On a dit, troisièmement, le terme l'istiwa, il peut être cité makronan bi ila, et être lié, et il est lié à la particule ila, ila. Et quatrièmement, on a dit que l'istiwa peut être lié à la particule waw. C'est le waw qui est cité après l'istiwa. Et dans les quatre cas, l'auteur nous a mentionné le sens de l'istiwa lorsqu'il est cité mutlaqan, de manière absolue, lorsqu'il est lié à la particule ala, lorsqu'ensuite, troisièmement, c'est la particule ila qui suit le terme al-istiwa, ou bien lorsqu'ensuite c'est al-waw qui suit al-istiwa. Donc les quatre sens ont été mentionnés avec des exemples à cela. Donc on va continuer, inshallah, et commencer sur la lecture et l'explication de la septième règle concernant les attributs de perfection. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة قال رحمه الله تعالى صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة في الأسماء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها قال الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. ولذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها. على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله النبي وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى السماء الدنيا الحديث. وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. Donc on va continuer et commencer donc sur l'étude la septième et dernière règle qu'a mentionné l'auteur dans les règles concernant les attributs. Ensuite, après cette partie-là, l'auteur mentionnera d'autres règles, mais là, ça sera lié au texte d'attributs, comme on les nomme. Donc, sur As-Sifat, on verra dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne la septième règle, l'auteur nous dit, dans cette règle concernant les attributs de perfection, Sifatullah ta'ala tawqifiyya. On apprend que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se limite au texte. Ils sont tawqifiyya, le sens en langue arabe, on l'avait appris aussi lorsqu'on a parlé des attributs, ou pardon, des noms sublimes. On a dit lorsqu'on dit tawqifi, c'est-à-dire, on se limite au texte. Et de sorte que la majala lil aql, qu'il n'y a pas de place pour la raison humaine, en cela. C'est-à-dire que les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala sont confirmés à travers les textes. Et donc, on se limite au texte. Ça, c'est une règle très importante. فَلَا نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ. Et donc, on n'affirme rien au sujet d'Allah Azza wa Jal concernant les attributs. On ne peut affirmer des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que s'ils sont indiqués dans les nobles textes et dans les textes sacrés. C'est-à-dire, s'ils sont indiqués dans le noble Coran ou bien dans la tradition prophétique. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que nous nous limitons au texte, on n'outrepasse pas et ne dépasse pas cela, de sorte que ce dont Allah Azza wa Jal s'est attribué, on lui attribue, c'est-à-dire « La yusafu Allahu illa aw illa bima wasafa Allahu bihi nafsa » On ne décrit Allah Azza wa Jal que par ce quoi lui-même s'est décrit. Subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur pour cela, il a fait référence à la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Lorsque l'imam Ahmed, donc on est dans les premiers siècles de l'islam, déjà à l'époque des quatre imams, l'imam Ahmed, entre autres, il disait « La yusafullahu » Allah n'est pas décrit si ce n'est par une chose par laquelle il s'est décrit lui-même. « Aw wasafahu bihi rasulu » ou bien dont son envoyé, le prophète, l'a décrit. « Thumma qala » ensuite il dit sa célèbre parole « Wala yutajawazul Qur'an wal hadith » et on n'outrepasse pas les limites des textes sacrés du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour mieux comprendre cela, pour mieux s'approfondir, l'auteur nous dit se référer à la règle qu'on avait déjà appris concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Et concernant les noms, on l'avait mentionné et appris cela dans la cinquième règle. Dans la cinquième règle, pour cela, l'auteur dit « انظر القاعدة الخامسة في الأسماء » Regarde et réfère-toi à la cinquième règle concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de comprendre déjà cette première partie. Donc là, ce que ce qu'on vient de lire, c'est la traduction, on vient d'expliquer la traduction de la première partie de cette règle. Donc dans cette règle, l'auteur, dans son œuvre, nous enseigne que, comme pour les noms sublimes, les attributs d'Allah Azza wa Jal, pour les confirmer et les affirmer, on se limite au texte. C'est-à-dire, il n'y a pas de place à la raison. On n'affirme pas des attributs d'Allah Azza wa Jal par la raison. Mais as-sifat, c'est tawqifiyya. On se limite au texte sacré. Et l'auteur dans l'explication lui-même, puisque l'auteur lui-même explique ses mots, les mots qu'il a écrits, il les explique en disant هذه القاعدة كما سبق في قواعد في أسماء الله تعالى وأنها توقيفية كذلك الصفات توقيفية لا يمكن أن تصف الله عز وجل إلا بما دل الكتاب والسنة على ثبوته. Il dit cette règle, comme on l'a dit précédemment. Il dit premièrement, cette règle, c'est la même règle qu'on a évoquée pour les noms. Lorsqu'on a dit que pour les noms aussi, on se limite au texte sacré. وَأَنَّهَا تَوْقِفِيَّ C'est ça le sens, maintenant on peut rester sur le terme en langue arabe, تَوْقِفِيَّ Lorsqu'on dit que les noms d'Allah Azzawajal, c'est تَوْقِفِي, c'est-à-dire qu'on se limite au texte. En d'autres termes, on ne peut pas inventer. On ne peut pas décrire le Créateur subhanahu wa ta'ala comme bon nous semble. Et donc pour cela, كَذَلِكَ الصِّفَاتُ تَوْقِفِيَّ De même, les attributs d'Allah Azzawajal, ils sont tawqifiyya, comme on l'a expliqué précédemment, on se limite au texte sacré. La yumkinu, et là l'auteur va bien le spécifier, le détailler en disant, la yumkinu an tasif Allah Azzawajal, il n'est pas possible que tu décris, que tu puisses décrire Allah subhanahu wa ta'ala que par ce dont Allah Azzawajal lui-même s'est décrit, c'est-à-dire ce qui nous est mentionné dans les textes sacrés du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire ce qui nous est affirmé à son sujet comme information et description du Créateur dans le noble Coran et dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors on lui attribue et on affirme ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. قال إلا أننا قلنا في القاعدة الخامسة في الأسماء أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص حيث قلنا على ما جاء به الكتاب والسنة. لا شيخ nous ensuite il nous dit comme il a dit précédemment. De la même manière qu'on avait stipulé pour les noms. Les noms d'Allah Azza wa Jalla, on avait appris dans la règle, en l'occurrence dans la cinquième, qu'on se limite au texte comme on l'apprend ici pour les attributs. Il dit sauf que pour les noms, lorsqu'on avait parlé des noms d'Allah Azza wa Jalla dans la cinquième règle, il avait bien stipulé, il avait dit Asma'ullahi ta'ala tawqifiyya. Les noms d'Allah Azza wa Jalla, on se limite au texte. La majala lil'aqli fiha. Et il n'y a pas de place à la raison humaine. Wa ala hadha, il dit donc pour cela, yajib al-wuquf fiha, on doit s'abstenir. Pour cela, il dit, on doit s'abstenir de mentionner des choses qui ne nous ont pas été rapportées dans les nobles textes, dans le Coran et dans la Sunna. Fala yuzadu fiha. Il dit donc, on ne rajoute pas. Et ni on diminue. En quelque sorte, plus simplement, on enlève. Ni on rajoute, ni on diminue. On comprend bien qu'on ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer des noms. Comme on l'avait appris pour les noms, on a le domaine des noms d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas inventer des noms. Les noms sublimes du Créateur, on les trouve dans les textes sacrés. Pourquoi ? Parce qu'on vient de dire, comme on a appris, ils sont tawqifiyya. Tawqifiyya, on a dit précédemment, c'est le fait de se limiter au texte. Donc s'il n'y a pas de place à la raison humaine, de sorte qu'on ne peut pas inventer et s'imaginer des noms qui ne sont pas dans les textes sacrés. Qala. Donc, ni on rajoute, ni on diminue. حَيْثُ قُلْنَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ Donc, il a dit, parmi ce qui nous est rapporté dans le noble Coran et la Sunna. إِذَنَّ اللفظ لا نثبته إلا إذا جاء في الكتاب والسنة لكن في الصفات قلنا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. Et là, il y a une subtilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et pour la remarquer, il faut vraiment se concentrer sur les termes. Vous savez, lorsqu'on parle de Al-Asma ou Sifat, les termes qu'emploient les grands théologiens, les grands savants musulmans, sont lourds de des sens qui sont très, on va dire, sont des sens subtils. Et donc les savants, lorsqu'ils utilisent des termes, c'est pas en vain. Pour les noms, dans la règle, si vous vous référez à la cinquième règle, concernant les noms, il a dit, ce qui nous est rapporté dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'on nuthbit, on affirme pour Allah Azzawajal les noms qui nous sont rapportés dans le Coran et la Sunna. Pour la septième règle concernant les attributs. Pour les attributs, il dit qu'on se limite au texte, c'est la même règle. Sauf qu'il dit, alors que pour les noms, on affirme ce qui nous est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Pour les attributs, il n'a pas dit Maja'a fil kitab wa sunna. Mais il a dit, c'est pour ça que je vous ai traduit littéralement, il a dit ce qui nous est indiqué. Ce qui nous est indiqué. C'est comme ça on traduit, enfin je vous traduis. Ma dalla al-kitabu wa sunnatu ala thubutihi. Ce qui est indiqué dans les textes sacrés du Coran et de la Sunna, qu'ils sont affirmés. Donc, les indications qu'on a dans le Coran et dans la Sunna du fait que ces attributs sont affirmés. Regardez, l'auteur alors, il dit, c'est la même règle, sauf que pour les noms, il avait cité ce qui nous affirmons, ce qui nous est rapporté dans le Coran et la Sunna. Tandis que pour les sifat, pour les attributs, il dit ce qui est indiqué dans le Coran et la Sunna. Regardez le terme en arabe qu'il mentionne, il dit Asma'ullah ta'ala tawqifiyya. Ça, c'est pour les noms, ce qu'il avait mentionné. La majala lil aqli fiha. Wa ala hadha fayajib al wuquf fiha. Ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah. Ce qui nous est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Il dit qulna, nous avons dit donc pour les noms, le terme en arabe qu'il cite, ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah. Tandis que pour sifat, il dit ma dalla al-kitab wa sunnatu ala thubutihi. Il va expliquer pourquoi. لِأَنَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ قَدْ يَدُلَّانْ عَلَى الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِلَفْظِهِ. إِذَنْ الْفَرْقُ أَنَّنَا فِي الْأَسْمَاءِ لَا نُثْبِتْ أَيَّ إِسْمٍ إِلَّا إِذَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَمَّا الصِّفَاتِ فَإِنَّنَا نُثْبِتُ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ والسنه اذ انه قد تكون هناك صفات لم ينص عليها في الكتاب والسنه لكن لا تنافي الكمال فهنا نثبتها لله تعالى ولا ضرر وقد سبق لنا ان الصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام كمال محض ونقص محض وفيه Tafsil. Alors regardez maintenant, l'auteur il nous explique la subtilité entre les deux choses. Lorsqu'on dit ce qui nous est rapporté, ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, et lorsqu'on dit littéralement ce qui est indiqué dans le Coran et la Sunna. Pourquoi il spécifie bien ces deux manières de s'exprimer. Il dit pourquoi. Il dit li'anna. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, les deux, قَدْ يَدُلَّنْ عَلَى الْمَعْنَى, parfois ils indiquent un sens. Donc on peut trouver un sens indiqué dans le Coran ou bien dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِلَفْذِهِ. Donc on peut trouver un sens indiqué dans les textes sacrés, même si le mot en lui-même, l'énoncé en lui-même, n'est pas présent. On ne le trouve pas. Donc regardez, dans le Coran, dans la Sunna, il y a des sens qui peuvent être indiqués, même si al-lafz, le mot ou le terme ou l'énoncé en lui-même n'est pas mentionné dans le Coran, ou ni dans la tradition. Qala wa in lam yarid bi lafdhihi idhan. Donc il dit la différence c'est quoi? La différence c'est annana fil asma, en ce qui concerne les noms, on n'affirme rien illa, si ce n'est qu'il est rapporté, en ce qui concerne les noms sublimes, on n'affirme rien si ce n'est le fait qu'il soit rapporté dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire le nom est venu et est rapporté dans le Coran et la Sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faqala fala nuthbit ayya ismin. Et donc on ne peut affirmer, quel que soit le nom, n'importe quel nom, on ne peut l'affirmer si ce n'est qu'il soit venu, qu'il est rapporté dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma fi sifat, mais en ce qui concerne as-sifat, les attributs, on peut les affirmer tant qu'ils sont indiqués dans le Coran et dans la Sunna. En ce qui concerne les attributs, regardez la différence, on peut les affirmer tant qu'ils sont indiqués dans le Coran et dans la Sunna. Qala idh إِنَّهُ قَدْ تَكُونَ هُنَكَ صِفَاتٌ. Pourquoi? Parce que parfois, il peut y avoir un attribut لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهَا, un attribut que, qui n'est pas cité, qui n'est pas rapporté en ces termes dans le Coran et dans la Sunna. Mais il y a une indication. Il y a الدلالة. Il y a une indication. Donc faites la différence lorsqu'on dit que c'est indiqué. Il y a une indication dans les textes sacrés et lorsque la chose est mentionnée clairement. Par exemple, les noms d'Allah Azza wa Jal sont sont mentionnés, rapportés dans le Coran et dans la Sunna. En sifat, les attributs, ils peuvent être indiqués mais pas forcément que le sifat est mentionné dans le Coran ou bien dans la tradition, mais c'est mentionné. Lakin la tunafi al-kamal. Et il dit, et ça ne contredit en rien, la perfection. Fahuna nuthbituha lillahi ta'ala wa la darar. Wa qad sabaqa lana anna as-sifat tanqasimu ila thalathati aqsam. Kamalun mahd wa naqsun mahd wa fihi tafsil. C'est pour ça, dans ce qui avait précédé, en ce qui concerne les descriptifs, on avait dit qu'ils se divisent en trois catégories, les descriptifs. Les descriptifs qui ne comportent que la perfection, de manière absolue, dans l'absolu, qui dénotent que la perfection dans l'absolu. Des descriptions, fihi naqsun mahd, qui ne dénotent qu'une imperfection de manière absolue. Et des descriptions où il y a tafsil, où il y a détaillé sur la question. Voilà, c'est pour ça, regardez. Maintenant, si on relit la règle, vous allez mieux comprendre. Regardez lorsqu'il dit dans la règle al-qa'idatu sabi'a, la septième règle, sifatullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil 'aqli fiha fala nuthbitu lillahi ta'ala min as-sifati la madalla al-kitab wa as-sunnah 'ala thubutihi. Donc vous avez vu, hein, lorsqu'on relit la règle, là maintenant on comprend mieux. Et donc les termes, vous avez vu, sont bien réfléchis. Donc regardez pour les attributs, regardez ce qu'il dit lorsqu'on revient sur la règle. Je vous lis la traduction. On ne peut affirmer à Allah, exalté soit-il, que les attributs confirmés. On ne peut affirmer à Allah, l'exalté, que les attributs confirmés par le Coran et la Sunna. Que les attributs confirmés par le Coran et la Sunna. Donc c'est comme ça que c'était traduit dans la traduction. D'une manière plus littérale, d'une manière plus littérale ici, pour mieux comprendre le terme littéral, l'auteur dit فَلَا نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. Là, il faut bien le comprendre. Il dit, nous n'affirmons pour Allah Azza wa Jal comme attribut que ce qui est indiqué dans le Coran et dans la Sunna. Là, je vous l'ai traduit littéralement. Pour les noms, il a dit que ce qui est venu, ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. Pour les sifat, il a dit ce qui est indiqué. Parce que ad-dilala, c'est l'indication, ce qui nous est indiqué dans le texte. ولهذا قال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. قال dans l'explication de cela, l'auteur continue l'explication. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية لأن الصفات كالأسماء توقيفية وقد سبق أننا استدللنا بدلالة السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. Et donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, il dit, de toute manière, comme pour les noms, ce qu'il faut retenir de cette règle pour le moment, comme pour les noms sublimes, les attributs, pour les affirmer, on se limite au texte. C'est ça qu'il faut retenir dans cette règle, tout simplement. Comme on l'a appris précédemment à travers l'étude des règles concernant les noms sublimes, de même pour les attributs, on les affirme, et en les affirmant, bien sûr, pour leur affirmation, on se limite au texte. C'est ça qu'on apprend dans cette règle-là. Qu'est-ce qui indique cela? Comment les savants ont déduit? Quelle est la déduction des savants concernant cela, le fait que les attributs d'Allah Azza wa Jal, on se limite au texte pour les affirmer? Il dit, ce qui indique cela, ce sont premièrement les textes, les preuves plutôt textuelles. Les preuves textuelles et aussi les preuves rationnelles liées à la raison confirment cela et indiquent cela. Wala yajuz an nuthbita lillah, et donc on apprend qu'il n'est pas permis d'affirmer pour Allah Azza wa Jal illa ma athbatahu li nafsi, que ce que lui-même il s'est attribué et il s'est affirmé pour lui-même. On ne peut affirmer pour Allah Azza wa Jal que ce que lui-même, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, s'est affirmé pour lui-même. وسبب هذه المقولة أن الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن محنة وكان يجادل الجهمية والمعتزلة وأصحاب الإرجاء وغيرهم ولهذا قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز القرآن والحديث. Concernant la parole de l'imam Ahmed ensuite qui a évoqué l'auteur. Regardez ensuite, l'auteur après nous avoir enseigné que les attributs d'Allah Azza wa Jal, on se limite au texte pour les affirmer. Ensuite, il fait référence à la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Qu'est-ce que dit l'imam Ahmed ibn Hanbal ? Il dit on ne décrit Allah que par ce quoi lui-même s'est décrit. Ou bien, par ce quoi le messager d'Allah, son envoyé, l'a décrit. Voilà, yutajawazu al-Qur'an wa al-Hadith. Et on n'outrepasse pas les limites des textes sacrés. Il dit, pourquoi cette parole-là de l'imam Ahmed? Il dit, cette parole-là de l'imam Ahmed, la cause de ses propos, pourquoi les a-t-il dit? Pourquoi l'imam Ahmed a dit cela? A dit, nous ne décrivons Allah, Azza wa Jal, on lui attribue comme attribut ce que lui-même s'est attribué. Ou bien ce que le messager, son envoyé, lui a attribué. Pourquoi l'imam Ahmed a été amené à dire cela? Il dit, sababu hadhihi al-maqula, la cause de cette parole de l'imam Ahmed, c'est qu'il a vécu à l'époque qu'on appelle Zamanu al-Mihna, l'époque de l'épreuve. l'époque de l'épreuve. En l'occurrence, c'était l'époque où il y a eu l'émergence et l'apparition dans le monde musulman de certaines fractions et certaines doctrines, comme la doctrine de Al-Mu'tazila. Donc en son temps, l'imam Ahmed, de grands débats et de grandes polémiques s'étaient propagés dans la société. Et donc des débats concernant la doctrine de Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila ou Ashab Al-Irja et ce qu'on nomme la doctrine de Al-Murji'a. Donc les partisans de l'Irja, les partisans de la doctrine de Al-I'tizal, de Al-Mu'tazila, les partisans de la doctrine Jahmite, ce qu'on appelle Al-Jahmiya, qui était partisan de cet homme qui était le leader de cette doctrine qui s'appelait Jahm ibn Safwan, et de cela plus tard, cette doctrine a été nommée Al-Jahmiya. Avec leur apparition et leur émergence dans le monde musulman, ensuite naquit des débats et des polémiques sur, par exemple, des questions liées au nom et aux attributs divins, aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et donc, en ce temps-là, alors, qala, il est rapporté que l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dit « La yusafullahu, Allah n'est point décrit que ce par quoi il s'est décrit lui-même, ou bien par ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, c'est-à-dire il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, et il disait « Wa la yutajawazu al-Qur'an wal-Hadith » et on ne dépasse pas les limites des textes sacrés. Donc, il faut comprendre le contexte. Pourquoi l'imam Ahmed a été amené à dire ces paroles? Dans quel contexte il a dit ces paroles? C'était lorsque les polémiques avec la doctrine d'Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila ou Ashab Al-Irja faisaient rage dans la société à son époque. Et donc, ensuite, il dit cela à cette époque-là. فَظَهِرُوا كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Donc l'apparence, lorsqu'on regarde la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, on regarde d'une manière apparente sa parole, أَنَّكَ لَا نُثْبِتُ أَيَّ صِفَةٍ. L'apparence de cette parole, c'est que nous n'affirmons aucun attribut pour le Créateur et la وَهِيَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا. Sauf si elle est mentionnée clairement dans les textes. C'est ça l'apparence de qu'on peut comprendre de la parole de l'imam Ahmed, il dit. Sauf si ceci sont مَنْصُوصًا عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا. Sauf s'ils sont mentionnés clairement dans les textes sacrés. Les qawlihi, comment on peut déduire cela de la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit la yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsa. Lorsqu'il dit on ne décrit Allah Azza wa Jal que ce dont par quoi il s'est décrit. Que par quoi il s'est décrit lui-même. Ala annahu yuhtamalu an yakuna al-murad. Et lorsqu'on prend la parole d'une manière apparente, littéralement, il y a probabilité, ça peut supposer. Écoutez bien, ça peut supposer. Ala annahu yuhtamal an yakuna al-murad. Il y a supposition que le sens soit illa bima wasafa bihi nafsahu jinsan la aynan. Wa hina idhin yakunu kama dhakarna fil qa'ida. Lakin al-imam Ahmed kana yahtarizu في مثل هذه الأشياء حتى إنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فخطأ من قال إنه مخلوق ومن قال غير مخلوق مع أنه عند التفصيل نقول إن أراد باللفظ الملفوظ به أنه مخلوق فهو جهمي وإن أراد التلفظ بذلك فحق مخلوق لأنه صوت الإنسان وقول الإمام أحمد من قال غير مخلوق فهو مبتدع فإنه عند التحقيق إذا كان يريد الدفع أولئك الذين يقولون إنه مخلوق فهو محق ولهذا لا تجد هذه العبارة غير مخلوق في كلام السلف رحمهم الله تعالى الأقدمين لأنه لم يكن هناك بدعة في القول بخلق القرآن. Ah, c'est très pertinent ce qu'il nous explique. Je vais essayer de vous traduire ce paragraphe, il est très pertinent. Donc vous avez pu constater que je passe parfois des passages. Par exemple, dans la règle précédente, on a lu une grande partie des passages de l'explication de Cheikh, mais parfois, si je vois que c'est un peu trop subtil, ou parfois on verra ça après dans ce qui viendra dans le livre, donc parfois vous avez vu, je passe des passages pour qu'on puisse avancer et comprendre le cœur de ce que va enseigner l'auteur dans son œuvre. Sauf que certains passages, ce passage en l'occurrence, ça je vous le traduis, on va essayer de bien comprendre ce passage. Regardez ce qu'il dit. Ça nous aide à comprendre les paroles des savants, des imams, et de comprendre le contexte, et que le contexte joue un rôle très important pour la bonne compréhension des paroles des grands imams. Regardez. Il dit donc premièrement la parole de l'imam, un peu supposer son sens, c'est que illa bima wasafa bihi nafsahu jinsan la aynan. Là c'est plus subtil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc ça peut supposer que nous affirmons pour Allah Azza wa Jal, on lui attribue comme attribut, comme description, ce dont Allah Azza wa Jal, ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même. Donc on décrit Allah Azza wa Jal par ce dont il s'est décrit lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ce qui est indiqué, l'essence indiquée, ou bien la chose citée d'une manière claire. وَحِينَ إِذِنْ يَكُنْ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْقَعِدَةِ. Si on comprend cela, que l'attribut soit cité d'une manière claire, ou bien c'est indiqué. On va dire c'est indiqué. Donc on voit que la parole de l'imam Ahmed, eh bien, ça englobe ce que l'auteur dit, Shamra Athémin, qui dit ce qu'on a expliqué précédemment. Ce qu'on a expliqué précédemment dans, vous avez vu l'explication, le développé qu'on a fait précédemment. Donc il dit la parole de l'imam Ahmed, alors, si elle suppose ce qu'on vient de citer de manière relative, alors ça, il dit, وَحِينَ إِذِنْ يَكُنُوا كَمَا ذَكَرْنَا. Donc c'est comme on l'a mentionné, il dit, dans ce qui a précédé. Mais ce qu'il faut savoir, pour les connaisseurs de l'école Al-Hanbali, de l'imam Ahmed et des avis de l'imam Ahmed, subhanahu, de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, c'est que l'imam Ahmed, chez les grands imams qui ont étudié son école et ses avis et qui sont connaisseurs et spécialistes dans le domaine, comme dit l'auteur, il dit كان يحترز في مثل هذه الأشياء. L'imam Ahmed prenait beaucoup de précautions et il était prudent lorsqu'il traitait ces sujets-là. L'imam Ahmed était prudent et prenait beaucoup de précautions lorsqu'il traitait ces sujets-là. Il dit deux sortes, par exemple. Il y a une chose qui est rapportée de l'imam Ahmed, qui ne nous est pas rapportée d'imams, par exemple, d'imams qui sont venus avant lui. À l'époque, par exemple, l'imam Ahmed, il est rapporté qu'il disait, concernant celui qui dit l'énoncé, ou plutôt la prononciation, l'ovdi, ma prononciation du Coran est créée. Là, il ne dit pas la personne qui dit le Coran est créé. Celui qui considère et qui voit que le Coran est une création et non révélation, et non la parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est Qawl al-Mu'tazila, ça c'est Al-Bid'a. Ça c'est l'innovation connue. Là, il ne dit pas celui qui dit que le Coran est créé, car l'affaire est claire. Mais celui, à l'époque, il disait, comme c'était certains disaient, l'ovdi, ma prononciation à moi du Coran est créée. Il dit, il est rapporté, comme c'est célèbre, que l'imam Ahmed disait, celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, فهو جهمي. Il dit c'est un jahmi, c'est-à-dire partisan de la doctrine al-jahmiya. فهو جهمي. ومن قال غير مخلوق, et celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, فهو مبتدع, c'est un innovateur. C'est un innovateur. Donc, si on regarde la parole de l'imam Ahmed, et ça on l'avait étudié avec les frères. Rappelez-vous-en lorsqu'on avait étudié Al-Ha'iyya, le poème. On avait l'une partie du poème Al-Ha'iyya, du fils du grand imam compilateur de hadith du prophète, Sahib Sunan Abi Daoud. Abu Daoud avait un fils nommé Ibn Abi Daoud, qui a écrit un poème sur la croyance, Al-Ha'iyya. Al-Ha'iyya, et dedans, on avait parlé de cette question avec le commentaire d'un savant contemporain. Al-Muhim. Pourquoi ? Parce que ça a été dit à l'époque. Certains ont dit, Lovdi, ma prononciation du Coran est créée. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Attention, la personne ne dit pas, par exemple, que le Coran est créé. On va le voir. Là, par exemple, il dit, ma prononciation, lorsque je récite, je prononce le Coran, cette prononciation-là est créée. À la base, le Coran, les gens de la Sunna considèrent que c'est une révélation. C'est la parole d'Allah incréée. Comme dit Ibn Abi Daoud, justement, dans le Ha'iyya, il dit, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقُ كَلَامُ مَلِكِنَا وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقُ كَلَامُ مَلِكِنَا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. Il dit بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. Comme cela était la religion des doués d'intelligence, وأفصحوا, ils l'ont proclamé. Une traduction relative, hein, du vers. Donc la parole d'Allah Azzawajal, le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. C'est la révélation. Mais maintenant, celui qui dit lovdi, ma prononciation à moi, lorsque je prononce, cette prononciation-là, elle est créée. L'imam Ahmed, il disait, celui qui dit que ma prononciation est créée, c'est un jahmi. Et celui qui dit qu'elle n'est pas créée, c'est un mubtadia. C'est un innovateur. Fakhatta'a, donc on voit que l'imam Ahmed, en son temps, il a khatta'a, c'est dans le sens, il a jugé faux et dans l'erreur celui qui dit que son prononcé est créé. Mais aussi celui qui dit que son prononcé est incréé. Il a jugé que celui-ci est dans l'erreur. De dire qu'il est créé, ou bien de dire que son prononcé est incréé. Jusque-là, vous me suivez. Donc lui, l'imam Ahmed, khatta'a. Khatta'a, dans le sens, il juge que celui-ci est dans l'erreur. Qu'il dit que son prononcé est créé, ou bien qu'il dit que son prononcé est incréé. Ma'a. Maintenant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin détaille cela, ce fait-là. Il dit, ma'a annahu 'inda at-tafsil naqul. Alors que, si on détaille cette question-là, nous disons. Qu'est-ce qu'on dit concernant cette question-là si on détaille? Il dit, nous disons. In arada bil-lafzi al-malfuzu bihi annahu makhluqun fa huwa jahmi. Si on veut comprendre bien, c'est que si la personne, lorsqu'il dit le prononcé, al-lafz, l'énoncé, et si je traduis plus littéralement, le prononcé, al-malfuzu bihi, c'est ce que je prononce. Regardez, je vous dis littéralement. Le prononcé, mon prononcé, lafzi bil Qur'an est makhlouq. Lorsque je dis mon prononcé du Qur'an est créé, ça peut supposer qu'il veut dire quoi ? Deux choses. Parmi les choses que ça peut supposer qu'il veut dire ce qu'il prononce et ça peut supposer sa prononciation. Donc, quand on dit mon prononcé du Coran est créé, ça peut supposer quoi ? Sous-entendre que je veux dire ma prononciation est créée ou bien le prononcé est créé. S'il veut dire le prononcer et créer, c'est-à-dire le verset, les lettres, le Coran, ça veut dire que là, il est Jahmi. C'est ça le sens. Pourquoi il dit celui qui dit lafzi, celui qui dit mon prononcé du Coran est créé, dans le sens que ça peut sous-entendre aussi mon prononcé, c'est-à-dire ce que je prononce. C'est quoi qu'il prononce? C'est la parole du Créateur. Si donc lui, lorsqu'il dit mon prononcé du Coran est créé, en sous-entendant le prononcé lui-même, là vous comprenez pourquoi l'imam Ahmed disait Fahuwa Jahmi. C'est un Jahmi. Pourquoi? Parce que ça, c'est la doctrine de Jahmiya. Et plus tard, les Al-Mu'tazila ont hérité cela de Al-Mu'tazila. Que le Coran est créé. Ça, c'est une doctrine innovée. وَإِنْ أَرَادَ Par contre, وَإِنْ أَرَادَ تَلَفُّذَ بِذَلِكَ Par contre, s'il veut sous-entendre lorsqu'il dit mon prononcé créé, c'est-à-dire son prononcé à lui, sa prononciation à lui, فَحَقٌ مَخْلُقٌ Est-ce que c'est la vérité? Naam, c'est une vérité. Sa prononciation à lui, ça prononce pas ce qu'il prononce. La différence avec ce qu'il prononce, c'est le Coran. Mais sa prononciation à lui, si c'est ça son sous-entendu qu'il veut dire, oui. Il dit ceci et cela est une vérité. Faqala. Wa in arada talaffuz bi dhalika fa haqqun makhluqun. Li'annahu sawtul insan. Pourquoi? Parce que c'est la voix de la personne. C'est la voix de l'individu. Donc si c'est sa prononciation à lui qu'il sous-entend, oui, c'est sa voix. Donc ça, c'est créé sans ambiguïté. Wa qawlu al-imam Ahmad. Et en ce qui concerne la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Maintenant, pour revenir à la parole de l'imam, Cheikh nous dit, wa man qala ghayru makhluqin fa huwa mubtadi'. Lui, par contre, lui, il a même dit, pour celui qui dit que Lafzi, ma prononciation du Coran, est un créé. Relo Mahlour, c'est un innovateur. C'est un innovateur. فَإِنَّهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ دَفْعَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ Lui, Shir, c'est dans le sens que si la personne dit cela pour défendre la doctrine de ceux qui disent que c'est une création, qu'il est créé. C'est une création. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit « Lafzi bil Qur'ani ghayru makhluq » Donc ma prononciation n'est pas créée. Ma prononciation n'est pas créée. Ça peut être dans le sens « ghayru makhluq » qu'il veut défendre la doctrine de ceux qui disent que le Coran est créé. Dans ce sens, فَهُوَ مُبْتَدِعَ Ce qu'il veut dire, dans ce sens-là, فَهُوَ مُبْتَدِعَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ دَافَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُحِقٌ Donc il dit, dans ce cas-là, il est muhiq. Il dit la vérité. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, ici, dans ce qu'il dit alors, il dit une vérité. Sauf que cette vérité-là. وَلِهَذَا لَا تَجِدُ عِدَّ وَلِهَذَا لَا تَجِدُ هَذِي الْعِبَارَ غِيْرُ مَخْلُوقٍ فِي كَلَامِ السَّلَفِ فِي كَلَامِ السَّلَفِ Il dit c'est pour cela que cette expression غِيْرُ مَخْلُوقٍ غِيْرُ مَخْلُوقٍ qu'elle est incréée, on ne trouve pas ça dans la parole des salaf. Il dit, on ne trouve pas ça dans la parole des salaf. Pourquoi? Regardez. Il dit, celui qui dit mon prononcé du Coran est créé, c'est un Jahmi. Et celui qui dit qu'il n'est pas créé, c'est un Mubtadi'. Qu'il n'est pas créé, c'est un Mubtadi'. Si on vérifie cette parole-là, on va vraiment au fond de cette parole, il dit, si c'est à titre de défendre la doctrine de ceux qui disent que le Coran est créé, alors c'est pour ça que l'imam Ahmed a dit « Fahuwa Mubtadi'a ». Et il dit, il a raison dans cela. Il a raison dans cela, pourquoi? Parce que parmi les pieux prédécesseurs, il n'est pas rapporté qu'il s'exprimait de la manière en disant « Ghayru makhlouq », en disant « Ghayru makhlouq », c'est-à-dire que le prononcé du Coran, il n'est pas créé. قال غير مخلوف في كلام السلف رحمه الله الأقدمين لأنه لم يكن هناك بدعة في القول بخلق القرآن. Pourquoi? À l'époque, on trouve pas ça dans les imams qui l'ont précédé, qui se sont exprimés de la manière. Pourquoi? Parce que en leur temps, il y avait pas le débat, il y avait pas ce débat-là sur le Coran, et que ceux qui plus tard, lorsque la doctrine de ceux qui ont nié la tribu de la parole et le fait que le Coran soit la révélation et la parole du Créateur. Il n'y avait pas ce débat. Donc, les savants de ce temps-là, lorsqu'il n'y avait pas ce débat-là, ne sont pas exprimés de cette manière. Pourquoi ? Parce que le débat était inexistant. Il était inexistant. Et donc, plus tard, lorsque naquit le débat, pour ça, certains termes ensuite ont été cités. Voilà, on va se quitter sur ça, Inch'Allah. Et on continuera sur l'explication, on terminera l'explication de cette règle, Inch'Allah, si Allah nous le permet, dans la prochaine assise. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.